miroir de l'intention. N'y a qu'un pas pour les profanes, celui des rêves qui remploient, qui ont les fleurs de la bohème, le souvenir que du vacarme et ce carquois en bandoulière, qu'il s'en sait que je m'assois pour retenir ce poème. Qu'il s'en sait que je m'assois pour retenir ce poème. Permets-moi que je t'emballe, je te plie comme un courrier, écho du cœur et du courage. Je prie parfois pour que tu tombes, que t'atterris sur mes cahiers. Comment les mots flous qui me plombent, descends d'ici petit papier. Descends, descends, descends d'ici petit papier. Trouve, j'aurai honte, honte que mes mots paraissent aux yeux, ainsi montrer aux yeux du monde, là les mots parachutés. Voilà les mots.

sont à la traîne. Alors pourquoi dire ces idées quand le décor n'est qu'un poème? Pourquoi le fond de mes pensées plaît aux malades tandis qu'ils jettent? Toucher de près, saisis les mots guéris qui aident. Pas tous les sens sont interdits, parce que chaque sens a son contraire. En tout, combien disent que la vie peut faire de nous de simples frères. Thank you.